Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on parle de dialecte chez les perroquets. Ah, attendez, on m'annonce dans l'oreillette qu'on a changé de sujet, on voit ça tout de suite. Oui. Comment ça va, Sophie? Écoute, ça va. Oui, donc on va changer de sujet aujourd'hui. J'avais prévu le dialecte des perroquets. Voilà, désolé hein, pour tous nos auditeurs qui ne savaient pas avant maintenant qu'on allait parler du dialecte des perroquets, qui du coup ne va pas être le cas d'ailleurs, vu qu'on va pas parler du dialecte des perroquets. On refait l'introduction de la semaine dernière où on parle de nos choix de sujet. Hein, exactement. Exactement. Alors on parle pas de perroquets, on parle de quoi aujourd'hui du coup? Et ben aujourd'hui on va parler de piques, les piques qui pêchent, les pies verts, tout ça, tout ça. Intéressant. Et de ton côté? Eh ben moi je vais parler de grues, parce que j'ai eu l'occasion de donner une conférence sur les grues qui était particulièrement intéressante. J'ai trouvé plein d'anecdotes et on va parler de quelques petits mythes, de petites légendes associées à cet oiseau assez fantastique. Voilà. Mais avant tout cela, parlons de piques du coup et pas de perroquets. Et on va éviter d'avoir mal à la tête, c'est ça, dans cette étude? Bon, on va essayer en tout cas, et ça c'est pas gagné, comme le dit d'ailleurs l'auteur de cette étude, parce qu'il est tout seul, et c'est pas exactement une étude, mais n'empêche que c'est un papier que je vous encourage fortement à lire, parce qu'en fait c'est une review de la littérature sur le sujet. Alors, sans savoir que les piques, ils aiment tambouriner, ils aiment taper sur des trucs, voilà. C'est comme ça que ça marche. Et ces piques et leur manière de tambouriner a souvent posé des questions aux chercheurs qui se sont demandé « Mais comment est-ce que c'est possible que ces oiseaux tapent sur des trucs et qu'ils aient pas mal au crâne toute la journée ?» Exactement. Voilà. Et tu parles bien de tambourinage ? Très important de le différencier avec le terme martèlement, qui sont deux choses complètement différentes. Oui. Le martèlement servant à chercher la nourriture principalement, très peu sonore. Sous les corps, vous allez vraiment assez peu remarquer si vous êtes très peu familier avec les oiseaux. Et le tambourinage qui lui va servir à marquer son territoire ou à attirer un partenaire éventuel, parce que je crois que c'est les deux sexes qui pratiquent le tambourinage. Si je dis pas de bêtises. Oui, bon après ça varie selon les espèces. Hein. Des fois, il y a aussi des piques qui ont une sorte de... Alors, c'est pas exactement un chant, mais ils peuvent avoir des appels au milieu du tambourinage aussi. Ça existe en fonction des espèces. Hein. Voilà, il y a des variations, évidemment. Et il y en a qui en font quasiment pas, genre le pic vert, par exemple, qui, contente lui, il est plus sur de crier, de rigoler et de se nourrir au sol, contrairement à tous les autres pics. Petit point sémantique, si jamais vous trouvez le terme tambourinage, vous saurez maintenant à quoi il est associé chez les piques. Je ne t'interromps plus, ma chère Sophie. Mais ne t'en fais pas, tu es le bienvenu si tu as des commentaires, c'est pour ça qu'on est deux. Exactement. Mais oui, c'est... Voilà. Heureusement, je suis bienvenu dans ma propre émission. Mais voilà, mais oui. Donc bref. Un super article aujourd'hui que je vous encourage à lire. Il est assez long quand même. Il a été publié dans The Anatomical Record. Il a été publié très récemment d'ailleurs, parce qu'il a été accepté seulement en juillet dernier. Écrit par Monsieur Smoliga, James de son prénom, et ça s'intitule From Beaks to Brains, Challenges in Translating Woodpecker Biology into Traumatic Brain Injury Innovation. C'est donc un très très long nom d'article. C'est très long, ça prend deux lignes entières. Donc des becs au cerveau, des challenges à traduire la biologie donc du pic en innovation contre les traumas crâniens. Toute cette histoire de pics qui tapent sur des choses avec leur bec, bah, ça a intrigué les scientifiques et c'est pas récent, parce que j'ai envie de dire que déjà depuis un moment on a remarqué que ces oiseaux ils tapaient sur des bouts de bois ou sur d'autres trucs, voilà, c'est pas une remarque récente, mais ça n'est rentré dans la littérature scientifique que finalement assez récemment, enfin récemment, on parle quand même des années 60, hein, c'est quand même pas tout jeune, mais mine de rien, niveau littérature scientifique, c'est pas très très très vieux non plus. Et du coup, à partir de cette époque, on s'est posé la question, est-ce que le fait que ces oiseaux tapent sur des trucs, est-ce qu'il y a derrière une conséquence, est-ce que du coup ils ont mal au crâne, est-ce qu'il y a des traumatismes crâniens qui se développent, est-ce qu'il y a ce genre de choses, et est-ce que, vu que eux, visiblement, ils ont une certaine habitude de taper sur des trucs, est-ce qu'on pourrait pas utiliser les adaptations qu'ils ont certainement pour cette habitude de taper sur des machins, pour arriver à proposer des équipements pour les humains qui, eux, ont souvent des traumatismes crâniens, pour les protéger des chocs répétés, et donc pour éviter tous les problèmes de santé qu'on peut avoir derrière, notamment dans les sports de contact qui sont un peu rudes, hein, on parle de la boxe évidemment, mais il y en a d'autres, hein, le football américain, etc., qui du coup engendrent beaucoup de problèmes de santé, vu que le cerveau est assez malmené dans ces cas-là, hein. On sait que lorsqu'on prend un choc traumatique, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs une encéphalopathie traumatique chronique dans ce genre de sport, c'est-à-dire qu'en gros on va prendre des chocs répétés sur le crâne, ce qui fait que le cerveau va finir par venir se cogner contre le crâne de manière répétée, et ça va évidemment abîmer les neurones qui composent le cerveau, et le cerveau petit à petit va réduire en taille sur les zones qui ont été les plus abîmées, ce qui est quand même un sacré problème, hein, vous en conviendrez. Et donc pour essayer de limiter tout ça, et ben on a des équipements de sécurité, on a des casques, on a ce genre de choses. Mais ça résout pas tout. Mine de rien, on a toujours des gros problèmes avec les sports de contact et les blessures qu'on se fait à répétition au crâne. Et malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore de solution miracle pour empêcher ça. Donc, beaucoup d'études ont commencé à s'intéresser au pic et à sa capacité à frapper sur des trucs sans se faire mal au crâne. Du moins, c'est ce qu'on pensait, vu qu'après tout, c'est dans leur biologie, ils font ça régulièrement, hein, ils tapent sur des machins et ils ont pas l'air de s'en plaindre. Donc on s'est dit qu'ils devaient forcément avoir des adaptations pour résister au traumatisme crânien et à tous les problèmes qui s'en suivaient, et on a commencé à étudier la tête du pic, et notamment les adaptations qu'il a pour ces chocs répétés. Alors, dans une tête de pic, qu'est-ce qu'on a ? Eh ben, on a, comme tout le monde, un cerveau, hein. Jusque-là, tout va bien. Et puis, vous avez un bec qui est assez long, et un bec qui contient notamment une langue qui est très, très particulière chez le pic, parce que cette langue, déjà, le bout est très dur et va être, scindé en deux à l'arrière de la langue, et cette langue va se replier non pas au fond de la bouche comme chez tout être vivant normalement constitué, elle va se replier à l'arrière du crâne et elle va quasiment s'enrouler en fait autour du crâne entier. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, et il y a des chercheurs qui ont commencé à se pencher sur cette anatomie très très particulière de la tête des pics en se disant que peut-être cette anatomie particulière était ce qui rendait le pic totalement insensible au traumatisme crânien. Alors il y a pas mal de papiers qui se sont penchés sur le sujet, donc j'avais parlé tout à l'heure des années 60, qui sont en fait les premières années où on a commencé à s'intéresser donc à l'anatomie du pic. Et qui ont fait foi pendant très longtemps, ces papiers. Oui, hein, c'est ça. Jusqu'à récemment, où vraiment on a commencé à les remettre en cause en se disant « Mais attendez, c'est pas du travail scientifique très bien fichu tout ça !» Exactement, parce qu'en fait, on a des papiers qui ont été publiés en 64, en 65, puis après, plus tard, on est passé aux années 70, et aux années 70, en fait, les papiers de 64, de 65, et voire même d'un petit peu avant, on a commencé à s'y pencher particulièrement donc pour la prévention des traumatismes crâniens chez les joueurs de football et autres qui avaient des gros problèmes. Donc on s'est dit, et si on pouvait faire des casques qui ressemblaient à la manière dont un crâne de pic est constitué pour essayer de protéger les joueurs des problèmes qu'ils peuvent avoir après, parce que ça c'est des choses qu'on connaissait, hein, les problèmes des traumatismes crâniens, c'est des choses à l'époque déjà qui étaient bien connues. Donc on s'est dit, ma foi, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose à partir de ça, ce qu'on appelle la biomimicrie, je sais pas d'ailleurs le terme français, ça c'est le terme anglais. Biomimétisme. Biomimétisme, merci. Autant pour moi. Donc le biomimétisme, effectivement, c'est ce qu'on essaie de faire dans pas mal de choses, quand on essaie de s'inspirer de la nature pour arriver à faire quelque chose qui va être une avancée technologique pour l'homme. On peut parler du velcro, par exemple. Qui a été quelque chose de ce style. Et donc là, pour les casques de protection, on a essayé de s'inspirer du pic. Alors, est-ce que ça a marché, cette histoire ? Eh ben, pas tellement. Pas tellement parce que la structure du crâne du pic, eh ben, elle n'est pas du tout comme la nôtre. Comme je vous l'ai dit, il y a cette langue qui s'enroule carrément autour du crâne. C'est pas du tout quelque chose que nous on a, hein. Difficile à reproduire. Ah, ça se saurait. Et puis, oui, ça se saurait. Puis bon, on n'a pas non plus de bec. Alors ils ont commencé à essayer de construire des casques avec une sorte de bec sur le devant, mais finalement dans les tests qu'ils ont fait derrière, ça n'avait pas vraiment de changement sur ce qui se passait à l'intérieur du casque, qui est une sorte d'excroissance dessus ou pas. Donc bon, ils ont abandonné l'idée. Et puis après, on a commencé à construire des casques qui étaient un peu rembourrés. Alors là, à la rigueur, ça a marché, mais on n'est pas sûr, par contre, que ça vienne directement de l'étude des pics. Ça, c'est pas une innovation qui vient spécialement de ce truc-là, par contre. Par contre, il y a eu une autre idée à un moment qui est sortie, et ils ont pensé, parce qu'en fait, il y a quelques mécanismes pendant que le pic tape, donc on a essayé d'étudier tout ça en tous les cas, hein, c'est pas non plus facile. Faut imaginer que quand on a un oiseau qui tape sur un bout de bois à cette vitesse, c'est difficile d'arriver à voir ce qui se passe, même avec une caméra et qui fait des ralentis. Mais avant que vous ayez accès à cette technologie de caméra et de ralenti, c'est un peu compliqué d'arriver à saisir le mouvement et d'arriver à voir comment ça fonctionne tout ça. Donc imaginez, encore aujourd'hui, on peut arriver à faire quelque chose, et même comme ça, on a du mal à comprendre exactement comment ça fonctionne, parce qu'on n'a pas de scanner portatif pour le mettre directement sur la tête du pic pendant qu'il tape sur un bout de bois, hein, soyons logiques. Mais on arrive quand même à voir un petit peu comment la tête se comporte, comment les plumes se comportent, et on essaie d'avoir une idée, enfin on peut avoir une idée des forces à l'œuvre sur l'animal, et donc de l'accélération et de la décélération surtout, que va subir le cerveau à l'intérieur de la tête, ce qui est le principal problème quand vous avez une concussion, un traumatisme crânien. En fait, le souci, c'est que le cerveau qui est à l'intérieur de la boîte crânienne ne va pas se déplacer exactement à la même vitesse que votre boîte crânienne, ce qui va du coup occasionner un gros choc entre votre cerveau et votre boîte crânienne, et ça, c'est dû à l'accélération, à la décélération de votre corps. Et donc c'est là-dessus qu'on va baser les études sur le pic. Et ça, ce sont des choses qu'on est obligé d'estimer parce qu'on n'a pas exactement d'idée, on n'a pas vraiment les mesures directes sur l'animal pendant qu'il est en train de taper, on n'a pas ces données-là. Donc ça, c'est des estimations qu'on a uniquement. Donc c'est un peu compliqué aussi, il faut se rendre compte que les modèles qu'on a sont pas non plus particulièrement précis. Voilà. Donc tout ça pris en compte, il y avait une autre petite innovation donc qui a été utilisé pour essayer de construire des trucs. Et vous en avez peut-être entendu parler d'ailleurs. Ça a été... Alors, dans les années 2010, dans ces eaux-là, un certain David Smith a dit avoir découvert le secret du pic et le secret de sa résistance au traumatisme crânien. Et il disait que c'était parce qu'ils avaient un muscle particulier qui venait comprimer la veine, la jugulaire, donc c'est ce que vous avez dans le cou, hein, c'est ces veines qui passent dans le cou, qui sont assez, assez importantes d'ailleurs, et qui contiennent le sang qui va notamment au cerveau. Et donc il disait que l'un des muscles avait comprimé cette jugulaire pendant que le pic tapait, ce qui permettait d'avoir une densité de sang plus importante autour du cerveau pendant que le pic tapait sur un truc, et du coup qui permettait d'éviter de faire trop bouger le cerveau, en fait. Voilà, donc en gros, il disait que vu qu'on avait un afflux sanguin plus important et que le sang restait était resté là-haut et ne bougeait plus, donc on avait une sorte d'aide à la résistance au trauma crânien. Et donc il avait commercialisé quelque chose, parce que bon, évidemment, business, il avait commercialisé derrière ce qu'on appelait le Q-collar, donc le collier Q, avec la lettre Q, hein, voilà, qui du coup était censé être quelque chose qui vous comprimait la jugulaire, en fait, qui permettait, selon lui, de résister plus facilement au traumatisme crânien parce que ça maintenait plus de sang autour du cerveau. Alors bon, je vous le raconte comme ça, parce que voilà, du coup, raconté comme ça, évidemment, on se rend bien compte que c'est de la grosse supercherie, mais à l'époque, ça s'est pas mal vendu. Ah bah dis donc. Eh oui. Jusqu'en 2020 d'ailleurs, jusqu'à ce qu'on finalement il admette en 2020 que bah il avait pas quand même réussi à étudier les pics de Cyprexa parce que bah malheureusement c'était une espèce protégée et qu'il avait pas eu le droit de faire des tests dessus. Non mais écoutez, le secret du pic, il est dans le cœur. Voilà. Donc bon, le bonhomme est intéressé. intéressant quand même. Et bon, voilà, donc depuis ça c'est un petit peu tombé dans l'oubli cette histoire-là, mais juste pour vous dire qu'il y a des gens qui ont essayé aussi de tirer leur épingle du jeu en promettant Monts et Merveilles, soi-disant basé sur la biologie du pic, ce qui évidemment n'a pas marché. Mais voilà, juste méfiez-vous si on vous dit qu'il y a un effet de flux de sang plus important dans le crâne du pic pendant qu'il tape et que justement il a ce muscle pour presser sa jugulaire, pour garder le sang à l'intérieur du cerveau ou je ne sais quoi. Ça se balade encore. C'est vrai que c'est le genre de personne qui passe à la porte tous les jours. Bonjour, je vends un casque pic pour éviter justement les traumatismes crâniens. Mais du coup, je vous dis ça parce que c'est pas juste pour vous faire rire, c'est qu'en fait, j'ai encore trouvé sur des forums, sur internet, les traces de cette histoire. C'est que c'est pas tombé dans l'oubli complètement. C'est-à-dire qu'il y a encore des sites qui disent que c'est une véritable information, qu'effectivement le pic a ce muscle qui lui permet de comprimer cette veine pour justement garder du sang dans son cerveau. C'est quand même assez incroyable. Voilà, donc c'est de la, juste pour vous dire, voilà, ça c'est de la désinformation, mais que vous sachiez, si vous tombez sur soi-disant cette info, c'est pas de l'info, c'est de l'intox, donc voilà, ne vous laissez pas prendre. Ça, ce n'est pas vrai. Mis à part ça, en fait, il y a eu pas mal d'études donc, qui ont été faites récemment. Tu as cité tout à l'heure en off l'étude de 2018 qui a visiblement été très très importante évidemment dans le game milieu. Game changer presque, hein, l'étude de 2018 qui a démontré peut-être que les pics étaient soumis aux mêmes problèmes, on va dire, cérébraux que nous. Exactement. Parce qu'en fait, ils avaient étudié plusieurs protéines, si je me souviens bien, qui se trouvent dans le cerveau humain et du coup dans le cerveau du pic aussi, qui sont des marqueurs de traumatismes crâniens notamment. Alors peut-être on n'est pas sûr que ce soit des traumatismes crâniens qui soient aussi importants que ceux de l'humain en tous les cas, parce qu'on ne sait pas à quel niveau c'est des protéines en fait, on ne sait pas à quel niveau de protéines on va être équivalente à un niveau humain chez le pic, mais on sait qu'en tout cas il y a présence de cette protéine, ce qui montre qu'il y a eu traumatisme et qu'il y a eu problème dans ce cerveau là mais on ne sait pas si c'est vraiment équivalent à un niveau vraiment, vraiment avancé de ce qu'on appelle donc l'encéphalopathie traumatique chronique. Mais en tout cas, on sait qu'il y a les mêmes phénomènes qui existent chez le pic que chez l'humain. Donc cette soi-disant structure de la boîte crânienne du pic qui est absolument résistante au choc, bah ça c'est pas vrai non plus. C'est quelque chose qui n'est pas fonctionnellement possible non plus, parce que vous imaginez bien que si vous avez quelque chose qui va amortir les chocs, en fait, fonctionnellement parlant, ça veut aussi dire que vous allez être moins efficace sur vos chocs eux-mêmes. Donc on a plus une tête de pique qui fonctionne plus comme un marteau-piqueur plutôt que comme un truc qui va être amortisseur, si vous voulez. On peut pas avoir les deux à la fois, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc en l'occurrence, là sur une tête de pique, on a vraiment un truc qui va taper, c'est pas du tout amorti. Donc on va pas avoir des mécanismes qui vont servir à réduire les chocs là-dedans, du moins il n'y en a pas beaucoup, parce que sinon ça va réduire l'utilité de la chose. Donc c'est pas très intéressant pour, de manière évolutionnairement parlant, j'ai envie de dire, c'est pas très intéressant du coup d'avoir beaucoup d'amorti sur le crâne du pic, ça va pas servir à grand chose. Donc c'est ce que disait l'article de 2018, on a la preuve que les pics ont plus ou moins les mêmes problèmes que les humains, grâce à ces marqueurs protéiques qu'on va retrouver dans leur cerveau, qui prouvent que oui, ils ont des traumatismes crâniens, et oui, potentiellement, ils ont aussi mal au crâne, hein, bah, comme nous, ça peut arriver. Mais là, ça allait même plus loin, puisqu'on parlait, je crois, de la maladie de Parkinson, ou quelque chose comme ça. Oui. Donc, grosso modo, c'était l'accumulation d'une protéine qui s'appelait la protéine Tau, oui, qui est visible, justement, lors de la maladie de Parkinson. On a une accumulation de cette protéine dans le cerveau, et on voyait la même chose chez les pics. Donc, du coup, on peut en déduire une certaine corrélation entre les deux, même si on ne sait pas si, comme le précisait Sophie, les pics ont la maladie de Parkinson ou autre, quoi. C'est ça. Alors, c'est pas seulement la maladie de Parkinson, vu que la protéine Tau, c'est en fait... Alors, cette protéine, pour faire un peu plus simple, parce que je vais pas non plus rentrer dans les détails, c'est la protéine qui va en fait maintenir certaines molécules des neurones ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, un neurone, c'est constitué notamment des axones qui vont être... Il va y avoir une sorte de cytosquelette autour des neurones qui va leur sortes de bras, si on veut, qui vont connecter les neurones entre eux. Et donc ces longs bras vont être maintenus notamment par des protéines tau qui vont enserrer en fait ce cytosquelette pour le maintenir en un seul morceau. Et lors de la maladie de Parkinson et lors des traumas crâniens, ce qu'on va observer, donc, ça va être une accumulation de protéines tau en dehors des neurones cette fois-ci. C'est-à-dire qu'elle va plus être autour des neurones pour les maintenir là où il faudrait qu'ils soient. Elle va en fait être séparée et va s'accumuler en petit tas à droite et à gauche, mais ne va plus enserrer les microtubes des neurones, le cytosquelette des neurones, et donc les neurones vont se désagréger petit à petit, et donc ces fameuses connexions vont se défaire entre les neurones, ce qui est embêtant parce que c'est ça, c'est ces connexions neuronales qui vont vraiment permettre à votre cerveau de fonctionner normalement. Donc sans connexion, ça marche plus. D'autant plus justement que l'étude que tu relates de 2024 est importante, puisque justement on pourrait peut-être avoir des clés nous permettant de comprendre comment justement on peut prévenir à l'avenir ces genres de traumatismes. Donc ce sont des études qui sont, je dirais, dans le domaine de l'ornithologie assez importantes, avec une application médicale assez intéressante pour des problèmes qui touchent des centaines de milliers, voire des millions de personnes chaque année, quoi. Bah, c'est pas pour rien que, du coup, il y avait pas mal de publications, au final, qui se sont intéressées à la biologie du pic, parce que effectivement, on avait l'espoir, en tous les cas, que le pic pourrait aider à résoudre certains problèmes, et jusqu'à récemment, on pensait encore que ça allait être possible. Sauf que, bah, comme le dit cette étude de 2024, qui est une review de la littérature, hein, je le rappelle. Alors il y a eu quelques conclusions intéressantes dedans, mais c'est pas non plus, il n'y a pas vraiment de data particulièrement que vous retrouverez pas ailleurs, mais c'est vraiment une review qui vous montre que, bah, finalement, en l'état des choses, le cerveau et la tête du pic est tellement différent de ce que nous on a en tant qu'humain que ce qu'on a retrouvé chez le pic, c'est pas applicable sur nous. C'est pas des choses qu'on va pouvoir appliquer. La biomécanique du pic est tellement différente de ce qu'on va retrouver chez l'humain que on peut pas vraiment utiliser ça pour fabriquer des casques, pour fabriquer des protections pour les humains. Ça ne marchera pas. De toute façon, on n'est pas fait pareil. Exactement. Donc ça fonctionnera pas. Et c'est là, exactement, d'ailleurs, que c'est un peu triste. Parce que on se dit, bon, toute cette étude, toute cette review, pourquoi au final? Parce qu'il y a quand même quelques pages. Et bah pour vous dire que on n'est pas, pour l'instant, on est plus ou moins dans une impasse, mais c'est pas une impasse qui est vraiment fermée. Il y a quelques petits espoirs quand même, où on peut se dire, bon, peut-être plus tard on pourra peut-être comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne, et dans ce cas-là essayer de mieux prévenir ces chocs-là, mais on pourra pas les réduire totalement non plus, faut pas se faire d'illusions. Mais ce qui est intéressant surtout de noter, c'est qu'ils font la comparaison avec d'autres espèces qui elles aussi ont des chocs répétés sur la tête. Alors je crois qu'ils citaient notamment les girafes qui se tapent dessus pas mal. On se rend pas compte, hein, mais les girafes, ça se tape dessus pas mal avec leur long cou normalement. En fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Enfin bref, pas mal d'espèces comme ça qui ont l'habitude de se taper la tête, alors soit entre elles, soit sur des trucs. Et ces espèces-là ont aussi en fait des adaptations particulières que nous on n'a pas en tant qu'humain, il faut prendre ça en compte aussi. Et il y a un autre truc très intéressant qui est aussi cité dans l'étude, et ça c'est quelque chose qu'on oublie très souvent aussi de mentionner, c'est que, en fait, ce qui est important pour un animal, pour n'importe quel animal d'ailleurs sur Terre, son but ultime c'est la reproduction. Au niveau de l'espèce, cet animal va tout simplement essayer de se reproduire pour transmettre ses gènes, pour avoir une descendance, etc. Et donc, il n'est pas important que cet animal survive après l'âge de la reproduction, il est juste important qu'il survive jusqu'à l'âge de la reproduction. Une fois qu'il s'est reproduit, finalement, il n'y a plus grand intérêt de le garder, c'est plus super important pour l'espèce. Donc... Oh, le pauvre. Non mais, de manière évolution... si on regarde du point de vue de l'évolution... Oh, la crise d'existentialisme. C'est terrible, hein, c'est terrible. Une fois qu'il a reproduit, c'est fini. Mais si on regarde du point de vue de l'évolution, vous arrivez à l'âge adulte, vous vous êtes reproduit. Bah, en fait, vous avez transmis vos gènes, vous avez eu une descendance. Quel que soit l'état de vos gènes, vous les avez transmis. C'est-à-dire que ces gènes, ils peuvent être... Il peut y avoir des maladies dedans, il peut y avoir des problèmes. Ce sera de toute façon transmis aussi à la génération précédente à partir du moment où ces maladies ne se développeront qu'après l'âge de la reproduction. Ces maladies-là pourront tout à fait se transmettre après de père en fils, de mère en fille, etc. sans problème, parce que de toute façon ce sont des maladies ou des problèmes qui vont toucher les animaux qui vont être un peu plus âgés, qui se sont déjà reproduits. Donc ça, ce sont des choses qui de toute façon vont continuer dans la population, ce ne seront pas des choses qui seront contre-sélectionnées. En revanche, quelque chose qui t'empêche d'arriver à l'âge adulte, imaginons que ces traumatismes crâniens aient un impact particulièrement délétère chez le pic et que du coup, bah, il puisse pas arriver à l'âge adulte parce que bah, il s'est tapé la tête trop de fois et voilà, mettons. Et maintenant, ces cas-là. Quand on parle trop de fois, c'est 10 à 12 000 fois par jour. Hein. Voilà. Ne tentez pas cette expérience chez vous. Hein. Ne tentez pas chez vous, c'est pas safe. Mais du coup, mettons que. Cette cascade a été réalisée par des professionnels. Mais bon, mettons que voilà, vous avez cette, ce pic qui s'est trop tapé la tête contre un mur et qui du coup, malheureusement, n'arrive contre pas à l'âge carrément. De la reproduction parce qu'il avait un défaut de fonctionnement quelque part, que sa tête n'était pas suffisamment résistante, que son bec s'est cassé, enfin j'en sais rien, mais en gros il n'a pas pu se reproduire. Bah du coup, dans ces cas-là, les gènes de ce pic qui n'a pas résisté à cette... cet impact sur son crâne, finalement, ne seront pas transmis à la génération précédente. Mais imaginons que vous êtes un pic tout à fait normal, qui se tape aussi 12 000 fois la tête contre les murs tous les jours, et qui a quelques traumatismes crâniens, mais qui finalement arrive quand même à se reproduire derrière, ça l'empêche pas d'avoir une descendance. Et bien même s'il n'est pas 100% protégé contre les traumas crâniens, et bien il va quand même pouvoir se reproduire et transmettre ses gènes à la génération suivante, qui elle-même va pouvoir se reproduire, etc., etc., etc. Donc vous imaginez bien que même si, en fait, il y a des traumatismes crâniens chez le pic, ça l'empêche pas forcément de se reproduire. Ça veut pas dire qu'il y en a pas des traumatismes crâniens, ça veut dire que peut-être ils ne sont pas suffisamment délétères pour empêcher l'oiseau de se reproduire. C'est tout ce que ça veut dire. Et donc ça, c'est intéressant dans la conclusion de l'étude, ça veut dire qu'ils sont pas forcément immunisés, les pics. Ça veut juste c'est dire ça. Qu'ils sont capables de résister jusqu'à l'âge adulte pour c'est se reproduire, ça. C'est tout. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que d'un point de vue évolutif, c'est exactement ce qu'on voit avec tout ce qui est maladies chroniques qui sont pas forcément délétères tout de suite là maintenant, mais qui vont être peut-être un peu plus embêtantes pour l'individu un peu plus âgé, mais qui empêcheront pas forcément l'individu plus jeune de se reproduire. Donc c'est ça qui est intéressant en fait. Mais moi je me pose la question. Oui. Pour le pic vert, ça se passe comment ? Parce que il ne me semble pas qu'on ait eu de comparaison entre des oiseaux qui pratiquent le tambourinage de manière très régulière et des pics qui ne le font pas, comme par exemple le pic vert. Et je serais extrêmement curieux de savoir quelle est la différence de composition cérébrale entre les deux oiseaux, parce que le pic, comme tu l'as dit, a tout un tas d'innovations qui permet justement de tambouriner dans les arbres. Il a aussi des os spongieux qui permettent, on suppose, d'absorber les chocs lors de l'impact. Mais quid du pic vert ? Moi, je t'avoue, je serais très très curieux de savoir si le pic a ces mêmes problèmes ou s'il a d'autres innovations. Alors dans la revue de la littérature que j'ai lue et dans ce que j'ai pu lire à côté, j'ai pas vu la différence entre le pic vert et les autres. Ah, je sais, mais je crois que ça s'est pas fait encore. C'est peut-être... Alors, je dis pas avoir lu toute la littérature non plus. Hein. Moi, je dis juste que pour l'instant, je n'ai Comment, pas Sophie, lu... Comment, Sophie, tu n'as pas lu un article de 1891 ? Je ne comprends pas. Ah, je suis désolée. Mais en tout cas, de ce que je connais de la littérature en question, je n'ai pas vu passer d'articles comme ça. Il faut aussi noter que la plupart de ces études ont été faites sur des espèces d'Amérique du Nord. Absolument. Voilà. Et en Amérique du Nord, il n'y a pas forcément de pie vert. Voilà. Exactement. Donc, à noter aussi, hein, c'est vrai qu'on a un biais de ce côté-là. Et puis, je crois qu'il y avait un autre biais aussi pour l'étude de 2018, parce que je crois que les oiseaux étaient morts. C'est ont aussi été un gros problème. Si je dis pas de bêtises. Donc, paf. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qu'on aimerait bien avoir, c'est autre chose qu'un modèle théorique. On aimerait bien avoir un modèle vivant, en fait, et pouvoir prendre directement sur l'animal vivant en train de tambouriner sur un truc des données, des informations sur la force qu'il applique directement à un endroit, à un instant T. Des informations sur la vitesse de la tête. Ça encore, on peut l'avoir grâce aux vidéos, mais c'est pas... On n'a pas toutes les infos non plus sur la force qui est exercée sur le crâne lui-même ou à ce moment-là. On n'a pas les infos sur comment ça se passe à l'intérieur de la boîte crânienne pendant qu'il tape sur le mur en question. On ne sait pas, en fait. Et les modèles qu'on a sont théoriques. Et le problème, et on s'en rend compte pas mal, c'est qu'en fait, différents modèles ont vraiment des variations très, très, très importantes sur les forces qu'ils trouvent qui sont appliquées à la fin sur la boîte crânienne et sur le cerveau. Et malheureusement, on est sur des valeurs qui sont parfois doublées en fonction des modèles, et c'est un gros problème. Eh ben, c'était une super review d'étude, puis je pense qu'on l'a bien review ensemble également avec les différentes informations que vous retrouverez du coup dans la description, si vous souhaitez en savoir plus. Exactement. Sophie. Oui, désolé, c'était un peu long comme article. Mais non, mais c'était super intéressant. C'était super intéressant. En plus, il y a tellement de choses à voir par rapport au pic, justement, et à ces problèmes-là. Moi, je vais parler des grues, puisque j'ai eu l'occasion de donner une conférence pas plus tard que samedi dernier sur les grues. Donc du coup j'ai appris plein de trucs, c'était super cool. La grue au sens mondial du terme, c'est un oiseau qui a beaucoup beaucoup de mythes et de légendes associées. Sophie, tu habites en Afrique du Sud. Il me semble que l'oiseau emblème national de l'Afrique du Sud, c'est la grue de paradis, c'est ça? Alors, en français, je connais pas son nom, je suis désolée. Nous, on l'appelle la Blue Crane, donc la grue bleue. Oui, bah, c'est ça, c'est Blue Crane. Ouais. Absolument. D'accord. Ouais. Exactement. Alors, c'est un superbe oiseau. Si vous trouvez des photos sur Internet, n'hésitez pas. Il est très, c'est très élégant. Préférée. Très, très élégant. C'est ma grue préférée. Apparemment, c'était un oiseau très important pour les Zoulous. D'après ce que j'ai eu l'occasion de lire, Chaka Zoulou, on a même fait un de ses emblèmes. Oui. Je ne sais pas si tu as des compléments d'informations sur cette légende ou sur ce mythe ou sur cette réalité, qui sait. Pas exactement, mais c'est vrai qu'on l'a dans l'iconographie pas mal. Mmh. Et dans les peintures rupestres aussi. Ah ok, il y a les peintures rupestres où on a, oui. On a représentation de... On a représentation de beaucoup d'animaux et notamment d'oiseaux. Oui, bien sûr. Voilà. Mmh, et okay. Notamment de ça aussi. Incroyable. De ça, la pauvre grue de paradis là, qui n'a rien demandé. De ça. Ah, oui. Bon, après, on suppose que c'en est, mais le problème, c'est que c'est pas toujours très très détaillé, donc c'est beaucoup de suppositions, comme d'habitude. Bien sûr. Non, après, en Afrique, elle est pas mal représentée. Il y a la grue couronnée avec un mythe Bambara que j'aime beaucoup. Oui. Donc, Bambara, c'est des langues pratiquées en Afrique de l'Ouest, principalement. Mmh. Afrique de l'Ouest, oui, oui, absolument. Du côté du Mali, notamment. Et ce mythe vient du fait que la grue couronnée aurait apporté la parole aux hommes. Ouh, ça c'est intéressant. C'est joli, ouais. Hein, ouais, c'est joli. Ouais, ouais. C'est joli. Il y a un mythe comme ça dans la mythologie grecque où c'est Hermès qui cherchait à inventer un alphabet et on lui a donné donc les voyelles et les consonnes. Mm-hmm. C'est les Parques qui lui ont donné les consonnes, je crois. Palamède qui lui a donné les voyelles. Et lui a constitué un alphabet en regardant les grues voler. En regardant les chevrons des grues volées qui passaient dans le ciel. Et c'est comme ça qu'est né l'un des premiers alphabets cunéiformes, selon la légende. Incroyable, hein ? Mais il y a deux mythes sur lesquels je me suis beaucoup attardé lors de ces petites recherches. Il y a tout d'abord la Dongnae Crane Dance, qui se pratique donc dans... donc je ne sais plus si c'est une contrée, si c'est un département... si c'est une préfecture, en tout cas ça se pratique en Corée du Sud. D'accord. Et c'est grosso modo chaque année un festival qui est organisé où les gens s'habillent tout de blanc, vêtus avec un chapeau noir représentant la grue, et ils dansent comme les grues le font. Et il y a une étude qui est sortie donc en 2022, je crois, qui représente en fait l'intégralité des mouvements de cette danse et le symbole associé à l'oiseau en tant que tel. Ah ouais. Donc, par exemple, on a le wawu, wakai, je ne sais pas si je le prononce bien, mais grosso modo, c'est étirer ses deux bras en l'air avec une ample couverture qui descend jusqu'au mollet, mm-hmm. puisque les bras, en fait, il y a une très très longue traîne de manches qui descend. Et cette image représente en fait la grue en train de battre des ailes mm-hmm. Sur place. Ah voilà. Ouais. Et il y a comme ça, il y a 9 mouvements qui sont pratiqués. dans un ordre plus ou moins chorégraphique. Il y a le Moy Eorum, pardon, par exemple, qui est en fait l'oiseau qui cherche de la nourriture. D'accord. Ce genre de choses-là. Donc, on est plus que sur de la danse pour représenter l'oiseau. On est sur de la danse où on incarne l'oiseau, carrément. Impressionnant. Et c'est quelque chose qui viendrait aux alentours du 15e, 16e siècle, comme je l'ai dit, dans la préfecture, je crois, de Tongnae, si je dis pas de bêtises. D'accord, ok. Mais l'un des mythes qui m'a le plus intéressé, c'est le mythe des pygmées. Ah. Donc les pygmées, ce sont des individus... ce sont des individus que l'on trouve aux confins du Nil en Éthiopie, dans ces pays-là. Et ils sont caractérisés dans la mythologie par leur petite taille. Hein. Et effectivement, dans la réalité, les pygmées sont des populations connues par le fait qu'ils ont une petite taille, environ 1m50, donc c'est pas non plus une taille aussi, aussi réduite que certains mythes et légendes associés. Je vais y revenir d'ici quelques instants. Mais tout ça pour dire qu'il y a un mythe très intéressant sur la grue et les pygmées, qui est un mythe grec, du coup, qui a été relaté notamment par Aristote, si mes souvenirs sont bons, et qui raconte l'histoire de la reine ou du roi Pygas. Selon les sites, selon les livres, ils sont pas spécialement d'accord, donc en tout cas, du personnage important politique Pygas de ce fameux groupe des Pygmées. Ouais. Et celui-ci avait défié Junon, a perdu son défi, et il a été contraint de se transformer en grue. Voilà. Et chaque année, il revient pour, on va dire, brutaliser son peuple, puisqu'il fait en sorte... avec les autres grues qui l'accompagnent, eh bien de reprendre sa place de chef. Sauf que les pygmées ne le reconnaissent pas en tant que tel. C'est assez intéressant avec ce mythe des pygmées, c'est que chaque année, les grues reviennent. Les grues reviennent, ouais, justement. Exactement. Ouais. Exactement. C'est peut-être l'un des premiers mythes, entre guillemets, qu'on peut lier à la migration, sans d'ailleurs que les Grecs et d'autres s'en aperçoivent, puisque le concept de migration était un concept totalement ignoré à l'époque. Hein. On essayait de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait, mais on avait des théories selon lesquelles, par exemple, le rouge-gorge devenait rouge-queue en été et le rouge-queue devenait rouge-gorge en hiver, ce qui expliquait justement le fait que déjà les deux oiseaux se ressemblent, mais aussi qu'on ne les voyait pas à la même période de l'année. On avait les hirondelles qui nichaient dans des lacs également. J'ai fait la même erreur que dans la conférence, qui dormaient dans des lacs. et ça, c'était plein de mythes pour expliquer justement pourquoi on ne voyait pas les oiseaux en hiver. Et avec cette mythologie des pygmées, eh bien, on a peut-être peut-être une des premières références de la migration sans que les auteurs de l'époque ne s'en aperçoivent et sans que Buffon d'ailleurs ne le remarque non plus. D'accord. Mais c'est terrible ça, en fait, effectivement. Bah ouais. La migration. Donc voilà. Top. Peut-être quelques petits mythes associés. Il y en aurait plein d'autres à raconter, notamment au Japon. Voilà, il y a beaucoup de mythes associés, notamment à la grue du Japon. Mais voilà. D'accord. J'ai décidé d'être un petit peu plus light. Hein, et, c'est pas plus mal. Mais j'avais un mythe, moi, mais alors après, tu me diras si c'est vrai ou pas. J'ai pas trop utilisé la... Enfin, je connais pas très très bien les grues. Il disait que... Alors d'après, je crois que c'est une légende grecque, il me semble. Les grues prenaient un caillou dans le bec. Voilà, lorsqu'elles survolaient une certaine montagne pour éviter de réveiller les aigles. Mais alors, je sais plus quel mot. Ah, ça, je savais pas, ça. Ouais. Par contre, on racontait souvent que les grues prenaient un caillou pour éviter de s'endormir. Ah, pour éviter de s'endormir, d'accord. Oui, pour éviter de s'endormir. Genre, la chef du clan avait, en tout cas, on pense beaucoup ça à l'époque médiévale. La chef du clan avait un caillou dans les pattes, ouais. Et ce caillou l'empêchait en fait de s'endormir. D'accord. Et en fait, ça doit être sans doute en relation avec le fait que les grues mangent des cailloux pour justement davantage, macérer leur nourriture plus facilement dans leur estomac, ouais. Parce que ces oiseaux le font. D'accord, ouais. Donc ça c'était à l'époque médiévale. Parce que là du coup, ouais. C'était dans l'Antiquité grecque, où on disait qu'ils prenaient un caillou cette fois-là dans le bec, pour s'empêcher de faire des sons. Parce que quand il passait au-dessus d'une certaine montagne, je sais plus laquelle, du coup, s'il faisait du bruit, ça réveillait les aigles qui risquaient de leur tomber dessus. Ah, voilà. Donc on a toujours l'histoire du caillou, mais pas dans les pattes. C'est marrant, hein ? Je vais peut-être réveiller Zeus. Ah, c'est marrant, mais il y a plein de trucs, il y a plein de choses en rapport avec la mythologie, c'est super. C'est super intéressant, la mythologie. N'hésitez évidemment pas à vous renseigner un petit peu plus sur les grues, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas dit. Mais voilà, je voulais une petite truc assez sympathique. Je voulais parler des éoliennes, mais je me suis dit, oh non, on va pas parler des éoliennes. On va parler d'un sujet un petit peu plus tranquille pour terminer cette émission. Bon, bah, c'est bien, très bien. Bah, justement, l'émission se termine. Oh, merci déjà. Beaucoup, Sophie. Bah, déjà, on est déjà à plus de 40 minutes d'enregistrement. Oui, celle-là, ça va. Sophie, on te retrouve où ? Eh bien, sur les réseaux sociaux habituels, Twitter, @leplumeux, Instagram de temps en temps, voilà, pas souvent, mais sinon sur YouTube, sur la chaîne Entracte Science, voilà. Et nous, vous nous retrouvez bien évidemment sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts. Vous retrouvez également les épisodes sur YouTube. Vous nous retrouvez la semaine prochaine si vous avez apprécié cet épisode du Courrier de la Sterne. N'hésitez évidemment pas à le partager, n'hésitez pas à partager l'émission et n'hésitez pas également à le commenter si vous avez des questions. On y répondra avec grand plaisir. Salut à tous, salut à toutes. À plus.